aujourd'hui c'est dommage. On fait quoi s'il y a pas l'âge? Fanboy depuis le collège. S'il y a trois gauches, je fais collage. Ces devis me découragent. Pensez qu'on avait tout gagné. C'est l'argent qui me soulage. Ma chérie, t'as beaucoup de courage. Allez Aïcha, je t'aime bien, mais y'a Marie. T'en veux love, ça ne m'arrive pas. On promet, mais on m'arrive pas. Aïa, qu'est-ce qui m'arrive, hein? J'pensais le match était fini, non. Hélas, nos dernières minutes, non. Fanboy change d'avis facilement, facilement. Yougouba, voyez Yougouba, on donne plus mariage, mais on t'aime au Gouba. Je sais bien, tu voulais te poser, j'ai vu ça, moi j'ai mis dedans. Yougouba, voyez Yougouba, on donne plus mariage, mais on t'aime au Gouba. Je sais bien, tu voulais te poser, j'ai vu ça, moi j'ai mis allez, dedans. Allez Aïcha, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Allez Aïcha, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Allez Aïcha, Aïcha, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Allez Aïcha. Les affaires de l'homme c'est à la télé. Sur le terrain comme ma petite pelé. Je connais pas, je t'ai mis pour épeler. Tout ça c'est dans papa, maman. Je l'ai coupé comme katana. Ah, mon gars, je savais pas que c'était ta nana. Mais vous les êtes donné banana. Bébé Aïcha, je me suis trompé, moi j'ai vu Aïda. Une petite qui venait du Mali. Femme Coca-Cola qui se bat comme Al-Qaïda. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui m'arrive, hein? Pensez que moi j'étais fini, non. Et là je donne dernière minute. Papa il change d'avis facilement. Yougouba, voyez Yougouba, on donne plus mariage, mais l'autre mon Gouba. Je sais bien, tu voulais te poser, j'ai vu ça, moi j'ai mis dedans. Yougouba, voyez Yougouba, on donne plus mariage, mais l'autre mon Gouba. Je sais bien, tu voulais te poser, j'ai vu ça, moi j'ai mis dedans. Allez Aïcha, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Allez Aïcha.